بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. لماذا تتكلمون بغير علم أنت أو غيرك؟ لماذا وأنتم تتزعمون أنكم دعاة سلفية بغير حق؟ لماذا تتكلمون بغير حق؟ والله يقول: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق والحق قامت به السماوات والأرض. لماذا تدافعون غير حق؟ لماذا تضادون الدعوة السلفية في دماج؟ ما منتكم عليها ومن حضرتكم؟ إيش دماج؟ ماذا فيها يعني؟ كل من جاءها ولا مر عليها صار سنيا سلفيا. في عهد مقبل ما كانت كذلك وغيرهم. رجل صالح تاب قبل أن يموت بشهرين متأثر بشيخه أنهم خوارج في هذا الفكر، وبدأ ينشر بعض الكلام على أني ما قلت ولا قصدت ولا عنيت ولا كذا. كل هذا كيف ما قصدت؟ كلامك واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. تتكلم على أهل السنة، تتكلم على الشيخ، على طلابه أنهم كانوا خوارج، أنك ما تحسنون بهم الظن وأنكم كذا. وإيش أنت يا أخي؟ فين نزلت نفسك؟ فين؟ وين رايح أنت يا بخاري؟ وين؟ طهمونية ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا آخر درس إن شاء الله تعالى في هذه التناقضات، وهي كثيرة. نحن نسيت في الحقيقة البرانسيبال، وربما يكون لنا عودة إن شاء الله تعالى si هذه التناقضات تظهر. On les citera بإذن الله عز وجل si on peut on complétera. أما إلى الآن هذا إن شاء الله تعالى كافي. ونضيف اليوم إضافة، واجد اليوم شيء من التناقضات، ومنها تناقض العتيبي أصلحه الله في مسألة عصمة الأنبياء، مما انتقدوا على الشيخ يحيى حفظه الله تعالى ورعاه أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الخطأ. هذه المسألة والله الحمد لله répondu en détail في ماذا ينقمون من الشيخ يحيى الحجوي. Que reproche-t-il à Cheikh Yahya? On a détaillé la mas'ala. Et on a cité Aqwal al-A'imma fi hada. Alhamdulillah, c'était wadih. Wa huna, ce qui nous intéresse huna, anna awwalan, hada l'intiqad, il est qadim. Ashab Abil Hassan, il y a une dizaine d'années l'an, en 2003-2004, ils avaient intiqad hada ala Cheikh Yahya. Annahu yaqul, annahu yaqul. فأولا لماذا هذا الانتقاد الآن 10 ans après؟ لماذا؟ كم من طلاب تتلمذ على الشيخ ces 10 années؟ كم؟ كثير جدا، خاصة في المسألة اللي با سهلة، مسألة عظيمة تتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا قول أو أمر. ثانيا، et c'est ça التناقض العجيب، أن هذا العتيبي il y a 10 ans il a appuyé le kalam de Cheikh Yahya. On va lire son kalam bin Nas. وأن الشيخ يحيى il a raison في هذه المسألة، أن son kalam c'est pas du طعم في الأنبياء، ورد على هؤلاء من أصحاب أبي الحسن، et il a défendu بحق الشيخ يحيى. Et c'est là la preuve، c'est que أهل العلم هذه المسائل انتشرت إذا طرد على الشيخ يحيى لأن كلامه يتحق يلحق في هذه المسألة. لكن لما ظهر هذا الحزب الجديد يغسق من هذا الكلام. لكن هنا نحن نسكن في مدخلنا العتيبي يا ديزان إلى نصر قول الشيخ يحيى إلى مدخل ست الحق, والآن لما وقع في هذه الحزبية ينتقد ينتقد على الشيخ أنه يجي يجي. يا أخي لماذا هذا التناقض المفضوح؟ تناقض واضح. إما تنبخم يقول طبي خطأ يتدمونتر كتو أنسي تتعي على خطأ يتدمونتر وجه الخطأ, وإما الشيخ يحيى حفظه الله إلى فغزن تبا دير خلاطور في هذا, خاصة lui-même il a cité كلام اللجنة الدائمة il y a une dizaine d'années quand il a défendu le rôle de Cheikh Yahya, il a appuyé avec كلام أهل العلم شيخ الإسلام اللجنة الدائمة et il a démontré كلام طيب. فكيف الآن يتناقض؟ هذا من العجيب. وأعجب من ذلك أن لا أحد يتكلم كأن الرجل يفعل ما يريد. ستصدين قال عز وجل ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. C'est du din هذا. C'est pas que le wahad il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, il revient sur ce qu'il veut, il accuse qui il veut. أبداً. لكن الله المستعان. قال أبو عمر أسامة العتيبي هذا. يعني زين داني قال فليس في كلام الشيخ يحيى كلمة عصيان أو ذنب أو خطيئة, إنما كلمة أخطأ وغلط أو غلط. أي معروف المسألة on l'a vu en détail في on l'a vu en détail في الدرس المذكور مسألة عبس وتولى إلى آخره. قال والعلماء وقع في كلامهم نحو هذا. اسمع الآن لا في كلام الشيخ أن كلام الشيخ اللي بخسي لا بدي عصيان أو ذم لا إلى دي أخطأ أنا أبي ست مسألة الآن هو لا في هذا ويقول والعلماء وقع في كلامهم نحو هذا أي كم الشيخ يحيى أنا أبي ست كلام. قال كذلك في نفس المقال يعني زنداني قال فليس في كلام الشيخ يحيى الحجوري تخطئة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل il a pu l'an clairement on a fait كلام الشيخ يحيى il dit pas que dans منهج النبي صلى الله عليه وسلم il y a des erreurs أبدا. وقال كذلك وقوع الأنبياء في الخطأ ووقوع الأنبياء في الخطأ بدون الشرك أو دون الشرك والكبائر وما يخدش في المروءة والعدالة. bien sûr c'est trois choses bien sûr ils sont معصومين من الشرك من الكبائر كذلك مما يخدش في المروءة والعدالة هذه الشوز كي توش المروءة المروءة معروفة عندكم والعدالة أي لجوز مثلا دي الشوز كي توش أس عدالة فهم ذروة العدول الأنبياء والرسل. ثم قال مع عدم تعمده avec ce قيد كذلك أن النبي من الأنبياء سي ستخم سبع تعمد. قال ولا إصرار كذلك il restera pas sur ce خطأ لا الوحي va descendre pour corriger cette erreur. قال ولا الإصرار عليه مع التوفيق للتوبة. نعم قال وهو معتقد أهل السنة والجماعة وليس قول الشيخ يحيى حفظه الله ورعاه إلى آخره. أي montre que c'est معتقد أهل السنة والجماعة c'est عقيدة السلف c'est pas que le قول de الشيخ يحيى. الشيخ يحيى il a pas خالف العلماء في هذا. ça c'est son قول il y a 10 ans قول طيب il n'y avait pas encore cette حزبية. هذا المقال منشور في الشبكة معروف. اسمع التناقض. قال الحاقد هذا des années après لما وقع في هذه الحزبية قال كلام طويل ثم قال مع ما في كلامه عن تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الأدب الذي لا يستغرب من أمثاله ثم إلى كريتيك الشيخ أنه كريتيك الأنبياء كريتيك الرسل إلى آخره. لماذا التناقض هذا؟ est-ce qu'il a fait توبة؟ vous avez entendu une توبة؟ أبدا. est-ce qu'il a le droit هذا؟ أبدا. فماذا بعد الحق إلا الضلال. son كلام le premier est حق لماذا؟ لأن إلى أبي أنه عقيدة أهل السنة il le sait هو. il le sait لا شك أن الكلام سي حق كلام أهل العلم إلى على هذا et lui il le sait lui-même il le sait هذا لكن الانحراف الانحراف والهوى والله celui qui délaisse le حق كما بين شيخ الإسلام وكثير من العلماء أن celui qui délaisse le haq يبتلى بالباطل. مسألة إلا كوني سي سي lui même qui a parlé. تأمل هذا التناقض. الحذر سي دين هذا. حذر la personne تظن أنها fait ce qu'elle veut. Là, tu seras éprouvé. كما قال عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. Allez, celui qui délaisse le haq, Allah subhanahu wa ta'ala, il détourne son cœur et il le détourne, khalas. Le haq, il est wadih. Lui-même, il a dit, tu le montres, lakin il ne peut plus. Ibtila. Hada le maqal, naam, le deuxième kalam, c'est qalahu fi maqal al-hajawira wa al-shaykh al-allama ubayd ila akhir. Al-an, idha ta'ammalta, ce qui reproche à Cheikh Yahya, c'est min hada l'amri. Lui-même, il était d'accord. Les ulama, ils ont des kalams, on les a cités. On parle de Salat al-An, Ismat al-Anbiya. C'est ce genre de choses qui reprochent à Shariha. Des choses que Abu al-Hassan il a reproché. On les a détaillées, wahida, wahida, on a vu que c'était basé sur rien. Ahada. Le fitna al-An, elle est basée sur des choses, hakada, et katir min al-Nas la ya'lamoun. Ils pensent que le Cheikh Fulan il a parlé, c'est forcément il a le haq. Si le Cheikh Fulan l'a critiqué, c'est forcément un jarh mufassar. Ah, batan. Abadan, c'est pas hakada l'ilm. L'ilm c'est haqa'iq. Haqa'iq, des choses qui sont vraiment passées. C'est pas s'il a parlé, c'est que c'est ça. Abadan, c'est pas ça l'ilm. Kadalik min at-tanaqudat. On a fini la salat al-Utaybi hada. Vous avez remarqué, anna hada al-rajul yatanaqad kathir. Al-Utaybi. Allah, ils l'ont gonflé hadhihi al-ayyam ka'annahu cheikh al-islam. Haqiqa, c'est tanaqudat, elle montre qu'il n'est pas à l'ilm. Abadan. Et même s'il a du ilm, il a du ilm. Et raddu alayhi eux-mêmes. Eux-mêmes, il a fait tawbah dans des choses. Il a fait des fitaines. Ils lui ont reproché beaucoup de choses. Anas Allah subhanahu wa ta'ala a yuslih ahwal al-jamir. Min at-tanaqudat kadhalik ma yata'allaq bi harb al-huthiyyin. Les harb qu'on a connues avec junud iblis al-huthiyyin. Haqiqa. Il y a eu beaucoup de tanaqud min haoula ashab hadha al-hizb ou les munasirin li hadha al-hizb minha qawl Muhammad al-imam la nastahil dima al-rafidah hatta hadha on en a déjà parlé plusieurs fois kadhalik qawluhu wa al-tafriq bayna ou na'am ra'yuhu fi al-tafriq bayna al-ammi wa ghayri yifarraq huwa awalan yikaffar bar-rafidah umouman كذلك يفرق entre العامي وغير العامي وهذا العلماء ردوا عليه فلماذا هؤلاء يبخن باسوا ديزان قول كبار العلماء كم يبخن دائما alors qu'il y a الإجماع على تكفير الرافضة العلماء الأئمة يفون aucune différence entre العامي وغيره que ce soit في اليهود في النصارى في الروافض في الجهمية معروف هذا c'est ça le حكم ثم واحد c'est vraiment pas un حكم à part c'est autre chose لكن كلام أهل العلم الحكم إلي على العموم الناذر لا حكم له كما يقولون هذا c'est ça l'asr أما tu trouves واحد il sait vraiment pas et il connaît pas le regardement هذا حكمه إلى الله لكن ce كلام عموما في الحوثيين أنهم لا نستحل دماءهم كذلك التفريق بين عميهم وغيره هذا c'est خطير جدا لأن الحوثي قامت عليه الحجة يا لونتون الشيخ الحيدان رد على قوله لا نستحل دماء الرافضة كذلك علماء آخرون كذلك الشيخ الفوزان إلى رد على هذه الشبهة التفريق بين العام وغيره قال حفظه الله يا إخوان اتركوا الكلام هذا الرافضة حكمهم واحد لا تتفلسفون علينا الآن لماذا هذا الكلام اللي باكسبتي ils vont dire il a accepté لكن المخالفة في العقيدة الآن مخالفة إجماع c'est pas سهل كذلك من التناقضات قال الشيخ محمد الإمام في بيت الشيخ ربيع la même جلسة quand on l'avait cité quand الشيخ ربيع il a dit كتاب الإبانة يلغى تذكرون بعض طلاب العلم من دماج ils ont assisté بعض المشايخ الشيخ كمال العدني الشيخ عبد الرقيب الكوكباني إلى آخره ils ont assisté الشيخ كذلك عبد الغني العمري quand ils ont assisté à cette assise تكلموا في الإبانة كذلك Ils ont demandé à Cheikh Rabi' لماذا المشايخ في اليمن كثير منهم ils ne font pas الفتوى pour le jihad الشيخ ربيع اللي غادي اللي غادي لماذا vous faites pas le fatwa? Faites le fatwa s'il y a une guerre avec le Rafida, انصروا اخوانكم في دمج vous faites le fatwa. Ils ont dit نعم نعم. هذا déjà c'est عجيب. يا اخي la fatwa elle doit être مبنية على علم, c'est du din. اما واحد il te dit fais et tu fais, si tu es pas d'accord montre بعلم, peut-être que tu as حق. لكن quand il a demandé à certains, Cheikh Bouraï et à Afri, ils ont dit on fait le fatwa. Thomas l'Ikhwan, ils ont dit là, nous on veut Kalam, Cheikh Mohamed l'Imam, كذلك. La Nahoua, il ne parlait pas. Il a répondu Naam, idha kan jihad daf'a. Esma' le Kalam. Idha kan jihad daf'a. Si c'est un jihad daf'a, Naam, on fera le fatwa. Qala Cheikh Rabi' utruk hadhihi al-falsafa. قد يقول قائل لماذا إذا تأملت son كلام إذا كان جهاد دفع إلى aucun sens الحقيقة c'est un تناقض عجيب. Est-ce que quelqu'un a dit que le jihad contre les Houthis c'était pas jihad دفع? Est-ce que quelqu'un a appelé jihad الطلب? أبدا. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a eu jihad, c'est les Houthis attaquent le centre dans le hadith, Thomas Cheikh Yahya et l'ulama, ils font le fatwa. لماذا c'est دفع لشر هؤلاء, donc c'est un jihad دفع. Mais l'ittifaq, personne ne dit c'est un djihad talab. Cheikh nous a jamais dit on attaque Téhéran demain. On attaque l'Iran. Là, on est chez nous à Damaj, ils nous attaquent, on se défend. Falihada Cheikh Rabi, il a dit truc hadi le falsafa. Là, le kalam, il n'a aucun sens. On sait tous que c'est un djihad dab. Et hatta fi djihad dab, t'as pas besoin de fatwa. Wahad, il vient, il t'attaque chez toi, tu vas pas l'appeler un savant, est-ce que je me défends? Et te faire un neuf, c'est comme tu peux. Mais Cheikh l'imam il a dit ça fil jabahat, et c'est ce qu'il veut. Cheikh l'imam il veut faire la différence entre matalan jabahat kitaf et dammaj. Hada al qawli li ajib. Jabahat kitaf elle a été instaurée bi idnillah azza wa jal et ba' juhud al muhsinin que pour dafi'an ba'd hadith bi dammaj wa tullah biha. Naam. Enfin, vous avez remarqué que Kitaf d'Aïman ça suit dommage, c'était pas seul. Enfin, même Kitaf c'est Mimbab et Daf'a. Donc ça change rien. A'jab min hada qawl man istata'a an yadhhab ila dammaj fal yadhhab. Et ça suit. Et ça montre qu'ils n'ont pas compris le mas'ala. Fal yadha qala ba'dhum, celui qui peut aller à dammaj, fa il va à dammaj. Et il secourt ses frères. Amma les jabahat qui t'avaient autre là. Billah alay, comment il va venir à Dammaj et Dammaj il y a Hissar. Ce kalam il n'a aucun sens. Lakin limada, hada c'est pour faire croire qu'on ne contredit pas l'ulama. Nous aussi on veut aider Dammaj. Enfin, celui qui parle à Dammaj il les aide. C'est pas une fatwa mabniya ala ilm. Il va venir d'où de Dammaj? Min as-sama. Là, pour venir à Dammaj, c'était les jabahat. Pour secourir les jabahat, il y a une utilité azim. On l'a vu, nahnou. هذا pour montrer ان القوم يتناقضون حتى في هذا الامر الان الى له بروبليم الان روافض ils insultent Aisha, ils insultent Abu Bakr, ils insultent Omar, ils écrasent le Coran, ils prétendent que le Coran فيه ما فيه, يطعنون في جل الصحابه, ينكرون عذاب القبر. On avait écrit leurs égarements dans le dossier qu'on avait écrit walillah alhamd sur les Houthi. Il est où le problème الان تنصر اخوانك اين الاشكال. Akhi, en face, c'est des kafara. En face, là, il y a hamounak. Et nous, on a vu, il y a des layyam, les problèmes qu'il y a fait ma'abar l'a. Et nous, on a dit Allah, subhanahu wa ta'ala, et on surahum. Nous, on ne va pas faire comme certains, c'est leur zunoub, avetem. C'est nos frères. Voilà, on a ce khilaf ma'ahum. Et ils sont à la khata, tamamen. Lakin, avetem, nafrah, les saytarat l'huthiyin hunak, avetem. Avetem, ben, on fait du'a. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala yansurahum, et ça montre que le Houthi la yatruk ahad. Le khudlan qui a eu à l'époque de Dammaj, chauffe l'an, ça arrivait où? Al-Haq il était ma'aman, si on se pose la question, il était ma'a Cheikh Yahya ou ma'a l'ulama qui ont appelé à combattre le Houthi, le Houthi de l'autre personne, ou ma'a Cheikh Mohamed l'imam? Alors, chaque année, al-Aqil, qabl al-Talib, il a une réponse li hada. Kadhalik, parmi leurs contradictions, aina qawluhum da'iman, eux ils disent il faut revenir l'ulama al-kibar, vous avez délaissé l'ulama. Limada Cheikh Mohamed l'imam et les autres mashayikh qui étaient avec lui et certains frères qui les ont suivis sont parvenus à l'ulama al-kibar. Pourtant il y a des adillah. Nous on n'appelle pas revenir al-kibar al-ulama تقليدا أبدا. نحن نقول أبنغ العلماء السلوك الحق qu'ils soient min al-kibar ou min ghayrihim. L'essentiel, c'est de revenir al-hujja. Al-an, kam min adillah fi jihad al-rawafid. Cheikh Yahya les a cités kathira. Et les ulama, ils ont basé leur fatwa sur hada. Fi qital al-bugha al-zalibin. Même si ça serait des muslimis. Alors que c'est des kuffars, ma'rouf, ils sont à l'aqidat al-rafida. Même ça serait des muslimis, c'est wajib tuqatilhum s'ils attaquent. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. Ça c'est des musulmans. C'est obligé, les anahoum ils sont injustes. Comme il a combattu Ali al-Khawarij. على قول que c'est des musulmans. فكيف هؤلاء الآن إذا سلت عائشة. Et lui il le sait, Mohamed l'imam, il sait هذا. Lui-même il a écrit des livres, il a كم من أشرطة, combien d'audio il a fait sur الروافض. لكن قدر الله ما شاء الله الفتن. هكذا الفتن سا المعروف يدبي منكر المنكر يدبي معروف. كذلك أين قول البخاري من لم يأخذ بقول الشيخ ربيع فلا تبالوا به. الآن الشيخ ربيع إلى جابر الجهاد إلى مدخل شرح الإمام. كذلك مسألة الإبانة إلا بايكوتي. فلماذا الآن يأكل رب الشيخ محمد الإمام بل الشيخ الفقيه العلامة. كذلك ما بالك سي توت سي زباق صاحب سيد من الشيخ يحيى. ما بالك شيخ يحيى لو غادي لا نستحل دماء الرافضه. شيخ يحيى لو غادي لا il faut pas faire le jihad مثلا لا غير لو غيتا معبر الشيخ يحيى il aurait la position de Cheikh Mohamed l'imam. Ils ont essayé de le kaffar بعضهم moins que ça. Il vient من الروافض ربما سا رافضي. Alors que le motif qu'il a eu, il a perdu son enfant, il a perdu son père, il a perdu des centaines de طلاب, il a perdu sa maison, il est sorti de Damal. ما بالك il aurait la position de Cheikh Mohamed l'imam. والله بعضهم ils auraient dit c'est un رافضي هذا. رافضي il a vécu. لكن قدر الله لو مونك دين صار في هذه الفتنة اللي عجيب جدا جدا خاصة الآن سيدي مسألة عقيدة يا جماعة. مسألة الرافضة سيدي مسألة عقيدة لأن فيها دي مسائل بغابوغ الصحابة دي مسائل بغابوغ العقيدة الاسم والصفات بغابوغ عذاب القبر بغابوغ كل المخالفات كذا الرافضة سيدي مسألة اعتقادية عظيمة جدا. المخالفة في هذا الباب سي خطير. لكن كنت سي pas Cheikh Yahya, ils ont un autre mouqif. Ça n'a rien fait. Nous sommes aussi de ça, Wallah, ça ne nous fait aucun mal. Allah est celui qui veut dire, il dit, nous montrons le haq comme on peut. Tomma, Yom Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala, il jugera ses ibad. Lakin, c'est pour montrer, faqata, au rafl. Bardana, ils sont fait rafla. Al-Khatima. On conclut, هذه الدروس المختصرة بكلام imam من أئمة المسلمين. وهو الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه صاحب جامع العلوم والحكم شرح الأربعين النووية الجامع العلوم اللي معروف سلا ريفيرونس في الباب. قال رحمة الله عليه في النصيحة في الحقيقة pour الجميع لأن يا إخوان on est pas l'abri كذلك. كم من الناس زت على خير في فتنة أبي الحسن ثم سقطوا في هذه الفتنة الجديدة. أي نوت فتنة tu sais pas أنت t'es pas l'abri. أتظن أن تكمقي هذه خلاص خلاص تكمخون غطو أبدا. لا بيرسون يدمض الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. هذا هذه النصيحة دستما النافعة pour الجميع سلوك بالحق. قال رحمة الله عليه ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم وكثر سبب ذلك وكثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم وكل منهم يظن أنه يبغض لله. الآن يدمنت أن après l'époque des Sahaba, après l'époque des Salaf, كثر الخلاف. Et chacun il reste sur sa position et il prétend détester pour Allah. هكذا الفتن. هذا يبغض إلى على حق. L'autre يبغض إلى على حق. لا شك أن الحق لواحد. فماذا بعد الحق إلا الظلم. كذلك chacun prétend détester l'autre pour Allah subhanahu wa ta'ala. أي لهجر لله il prétend. لكن اسمع النصيحة. قال وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا. نعم. Il peut avoir compris, il peut avoir ne pas compris, il peut avoir des choubah مهم. مسألة العذر معروفة. قال بل يكون متبعا لهواه. نعم. Il peut être, et ça c'est كثير من هؤلاء, ils suivent الهوى. أي خلاف ينفتنه. Il revient pas au haq. Là, c'est le hawa. قال مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. كذلك الهوى أي الميزان سبب الكتاب والسنة يدتست با في الحقيقة لله عز وجل لا يدتست لأنك لا خالف لي يدتست لأنك خالف الشيخ فلان با باسكو تخالف الحق tu peux خالف الشيخ فلان انت على حق نعم celui que tu n'as pas droit de خالف على الإطلاق c'est النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هذا أما غير النبي صلى الله عليه وسلم تلدغوض لخالف سيخالف السنة ينصيك نحن علماء السنة لا يتعمدون المخالفة قال بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه كذلك سأبقى point important le premier point الهوى أي ceux qui n'arrivent pas à trouver le haq dans ses vitesses premier point الهوى deuxième point أنه لمقصر في البحث تقصير في البحث أي il fait pas des recherches ça c'est un rad على من يقول je rentre pas dedans je rentre pas là dedans je rentre pas في هذا ça c'est un كلام فارغ t'es obligé de rentrer في الحق كيف je rentre pas tu choisis الآن qu'est-ce que tu étudies et tu délaisses là là le Nabi صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما il a pas dit là je rentre pas في هذا فالتقصير في البحث بعض الناس إذا on prend cette fitna الآن qu'on a étudié que ce soit البرهان المنقول لأصول كلا خالف أو للشبهات أو ستناقضان بعض الناس إذا un تقصير عجيب في البحث il croit que c'est évident il suit sa hawa et il est attiré par la majorité Cheikh Fulan il a dit مثلا prends l'exemple et ça c'est من التناقضات كذلك on l'a pas cité on le cite الآن quand Cheikh Rabi il avait parlé sur Cheikh Yahya au départ تذكرون بعض الناس لا بحث ولا شيء ils ont dit خلاص الشيخ ربيع il a parlé sur الشيخ يحيى طيب il faut un دليل il faut un دليل الشيخ ربيع il a pas la garantie de toujours dire الحق أبدا il a parlé بعض الناس ils ont dit طيب الشيخ يحيى c'est كذا حتى sur internet t'as vu la différence يرتون jour au lendemain الله أعلم لماذا الشيخ ربيع il dit المشاكل بيني وبين الشيخ يحيى انتهت إلى الأبد tous les problèmes qui sont entre moi et Cheikh Yahya c'est fini il al abad haqiqa le kalam hada fi nazar ila al abad lianna si Cheikh Yahya il se trompe vraiment il doit parler si Cheikh Yahya il a une erreur il s'égare Cheikh Yahya il est pas là il doit parler lakin il a dit ila al abad tayyib ça qu'est-ce qu'ils ont fait kadir min hum ils ont dit la khalas la la fitna elle est finie كيف الآن الشيخ ربيع إلى دي أن الشيخ يحيى موفي إلى طعن فيه ثم إلى دي سفيني خلاص فو سي سفيني فو شيخ شبا صفو إليه البروبليم الآن لأن سي العرض مسلم ده الشيخ un grand élève de الشيخ موفي ثم الشيخ ربيع إلى غو بغلي سو الشيخ يحيى إذا دي سان حداد والله دما الشيخ ربيع دي الشيخ يحيى سان إمام في السنة يفون دير كي سي كي ديجا بغلي سو الشيخ يحيى سان إمام دو لا سنة ما لكم يصير هكذا C'est quoi la mouchkila ? Al-taqsir fil bahth. Al-an, Cheikh Rabi, imma il a raison, imma il a tort. Et Akhi fait des recherches. Pourquoi il a critiqué ? Tumma. Il a fait la kalima à Damma, tadkuru. Et il a dit entre moi et Cheikh Yahya, c'est fini. Et Cheikh Yahya, il a fait une kalima chez lui. Alors que si tu réfléchis, les erreurs qui sont reprochées à Cheikh Yahya, il n'y a rien eu de nouveau. Avant la parole de Cheikh Rabi ou après, Cheikh Yahya a toujours le même motif. Falimada, il est mauvais, Tumma il est bien, et il fait une kalima chez lui. Limada, il laisse un mobtabi faire une kalima chez lui. Tumma il revient, là il est mauvais, c'est un haddad. Ah, la haqiqa, le kalam, il est pas. Wallahi, celui qui applique cette nasiha de cet imam, Inch'Allah, il sort à la khir. Il s'écarte de l'hawa et il y a t'hath. Al-taqlid, c'est pas tayyib, abedin. التقليد جسويها كذا شو هاد قدخدية هاجور الإمام فادر هذا هاجور فادر هذا سانت خما يا أخي قال مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق سيصال مسألة بعض الناس يدتس من بيرسن لماذا لأن ست بيرسن على خالف الشيخ فلان et pour lui il pense que الشيخ فلان il est toujours على حق Donc si tu le khalif, c'est que tu as khalif al-haq. Et si tu as khalif al-haq, tu dois être détesté fillah. C'est pas ça le din. قال ابن رجب فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع أي في الحقيقة tu khalif une personne qui suit eux, tu khalif pas le rasoul. لأن cette personne que eux ils suivent, et bien l'ijma il n'est pas معصوم. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر إلا النبي عليه الصلاة والسلام لكن vu que tu as khalif leur matbou' ceux qui suivent, eux ils pensent que tu as khalif al-haq. لماذا؟ لأن pour eux ce cheikh il dit forcément al-haq. Et هذا c'est un khatar azim. لأن cette place c'est la place du Rasoul عليه الصلاة والسلام. Il reste quoi comme a قال الإمام ابن رجب écarté de l'hawa et tabhad. Qui c'est qu'elle m'a dit? Est-ce que c'est celui que tu suis ou celui qui critique celui que tu suis? Ça peut être un des deux. لأن هذا il est pas معصوم, هذا il est pas معصوم. هذا يبدغ الحق, هذا يبدغ الحق. هذا الكلام لنابع فإن كثيرا من البعض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق وهذا الظن خطأ قطعا قطعا أي بالإجماع واضح كسي خطأ de penser que celui qui suit la tour الحق et celui qui le خالف تجيل على باطل. نحن on n'a pas le droit maintenant de croire que الشيخ يحيى le tour على حق أو أي le خالف on n'a même pas de dalil, on dit là là il est à la khata, il est à la batil. Pourquoi? Parce qu'il a khalif Cheikh Yahya. Na'oudou billah. Enfin, aïnou taqlid. Et c'est aïnou dhalal. C'est une porte, ouverte à l'égarement. Quelqu'un critique Cheikh Yahya ou autre, tabhat, tu demandes l'imada. Il dit maintenant, il y a Cheikh Yahya, il a dit kada. Tatatabat awwalan. Est-ce qu'il a vraiment dit ça, je suis. Comment dans le hukm al-shar'i avec l'adilla? Est-ce que c'est haq ou batil? Si c'est haq, t'as un comportement. Tansur al-muhib. Tu fais tout ce que tu peux pour ne savoir pas. Si c'est trompé, il fait tauba, taïb, il fait pas tauba, ça dépend de l'erreur. Tu le délaisses, tu le délaisses pas, ça dépend. C'est un ijtihad amla ma'ruf. C'est ça le manqif al sunna. Amma la takhalif wahid, ils savent pas pourquoi. Wallahi ba'dhum, ils savent pas pourquoi. Wallahi ba'dhum, tu lui demandes, c'est quoi le mas'ala? Tu peux me résumer cette fitna? Cheikh Yahya, il a raison. Et tu dis que Cheikh Rabi, Cheikh Ubaid, il a akhir, ils ont raison. Tafadl. Montre-moi. Wallahi, ma yadri. Tu te dis, là, les ulama, ils ont parlé. Ah, khalas. Les ulama, ils ont parlé. Sallallahu alayhi wa sallam. Le mouskila, ya jama'a, c'est qu'on vit dans un zaman de djahl. Wallahi, un talib il, bien sûr, il faut qu'il ait une saf. Qu'il soit juste. Et il s'écarte de l'hawa. Wallahi, il comprend ce masail. Il comprend, il le sait. Wallahi, un talib il, ils savent tout ça. Les hadas, tu les entends, ils parlent pas. Ils ne rentrent pas via des l'humour, les anas, ils n'osent pas contredire Cheikh Fulan et beaucoup de gens. Fali hada. Amma wallah, kathir minhum, ils savent hada. Ils ont lu que la minor Rajab avant nous. Lakin al-hawa. Lakin on vit, nous, kadali, dans un zaman de djahla. Mais vous avez remarqué que ceux qui parlent beaucoup, khas satan avec mon sibat l'internet, ceux qui parlent beaucoup, c'est des djuhal. Là, t'as dans les forums, t'entends Fulan, il parle, Fulan, il parle. Il est chez lui. Ba'dhum, ils sont rébellés de l'Yahoud ou al-Nasara. Ils ne connaissent pas tout ça, meskin. Et ils parlent. Ba'dhum, ils pensent que, oh, regarde, tout le monde dit. Ah non, on ne regarde pas tout le monde, on regarde l'ilm. Wallah, un talib al-ilm, il parle avec l'ilm, il fait taire al-ulouf min hawla al-juhal, al-muqallida. Qala, wa hadha al-dhan khata qat'an, wa in urida annahu la yaqul illa al-haq fi ma khulifa fi, fa hadha al-dhan qad yukhti wa yusib, wa qad yakun al-hamil ala al-mail, mujarrad al-hawa ou al-ilf. Naam, ça peut être. Limada il dit que ce sheikh, il a toujours raison. Hawa, c'est un jahil. Et l'hawa kadhalik, rubama il a des intérêts. Il ne veut pas se mettre ce chez Khadou. Aul ilf kadalik, les sentiments. Ça, c'est... Beaucoup de gens ils se font avoir par les sentiments. Tabihu hada. Al-hub il est villa ou al-bourd il est villa. Les sentiments, tu mets de côté. Les sentiments, ça doit suivre di. Khasatan dans ces masaïd. Qal aul aada kadalik, les coutumes. Ça, c'est mitla al-awam. Pour eux, ils ont une aada. Maintenant, on a l'imam Malik, il a toujours raison. Ou l'imam Ahmed, il a raison. Ils ont été hakada. Ces coutumes, ils ont été élevés hakada. Aula, ils ont du mal à délaisser ces qawl de. Tel imam parce qu'il s'est trompé. Qala wa kullu hadha yaqdah an yakuna al-bord lillah. Tout ce qu'il a cité l'un, ça touche à leur niya. Leur bord, en haqiqa, il n'est pas fillah. Léana, il détesterait pour Allah subhanahu wa ta'ala, il montrerait que tu as une mukhalafa et il te déteste parce que tu n'as pas voulu faire tawba et parce que tu as cette mukhalafa. Hadha, c'est ça le bord lillah. Léana, une personne, elle n'a pas voulu une mukhalafa et elle fait tawba. Tu n'as pas le détester lillah, il a fait tawba. Hadha. لكن كما قال كل هذا يقضح ان يكون البغض لله كتب انهم هوا تقليد جهل ابخوف يس كونتروديز ان جور تاع حدادي لو لوندومان تاع سني كيف هذا تبغض لله سي تبغض لله tu le laisses pas tant qu'il a pas fait tawba c'est ça الدين الصحيح لكن هكذا سو ضعف pour pas contredire fulan et fulan et tu te tais sur mes erreurs je me tais sur tes erreurs كثير منهم يسوا على هذا قال فالواجب على المؤمن اسمع النصيحه الان فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز صحيح انصح نفسك ترى موقف يوم القيامة لا تطلع quand tu dis ce que tu veux, tu... Abatan, tout est enregistré, tout est inscrit. Tu auras des comptes à rendre sur tout. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tu auras des comptes à tout. Tu récites tous les jours Maliki yawmiddin. N'oublie pas le lion. Tu auras des comptes. Ma baluk ta'an fi ikhwan, ta'an fi da'wa. Tu prétends des choses, tu n'as aucun dalil. Tu rendras des comptes. Et bien, tu n'es pas responsable. Ahsan lak uskut. والله أحسن أما بعض الناس يتكلم يتكلم لجور يوم القيامة سأصغى بغير قال فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرص في هذا غاية التحرص التحرص ستفي attention انتبه جيبا إن كلمة تباسيو خاصة سر المؤمن أنت غادي كنتهم يوم القيامة سيد باردن با تتعلمون حديث المفلس celui qui a beaucoup de حسنات il a parlé sur هذا il a insulté هذا il donne ses hasanat. هذا المفلس il est ruiné en qiyama, il perd tout. قال ويتحرز بهذا غاية التحرز وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم ما أشكل عليك انتبه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال عيسى الظلام فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ما أشكل عليك انتبه تتخسبين tu parles sur fulan, tu détestes fulan, tahjur fulan, et toi-même tu connais pas le mas'ala. انتبه لهذا. قال وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له وهو نعم. Et bien cette mas'ala الآن مفيدة مهمة. On en a déjà parlé dans certains cours مع بعض الإخوة. وهي il va faire la différence entre l'imam al-mujtahid. L'imam al-mujtahid, il peut se tromper, il a une récompense. Comme a dit le hadith, il a dit le hakim. Amma al-matbou, s'il est à la hawa, il n'a pas d'excuse. Il n'a pas le droit de dire je suis Cheikh Foulan. Il n'a pas le droit de croire qu'il se trompe, il a une récompense. Abadan, bal il est athim. L'imam al-mujtahid, il a une bonne niya. Il veut faire le khayr. Il se trompe, il est récompensé. Amma, celui qui suit aveugle, abadan. C'est ce mas'ala al-an qui va démontrer. Qala wa huwa, ay hadha al-amr al-azim, anna kathiran min al-a'imma alladhina qad yaqul qawlan marjuhan. Marjuhan ay ikhalif al-sawab. Le contraire du rajih, marjuh. Qala wa yakun mujtahidan fi ma'juran 'ala ijtihadihi fi mawdu'an 'anhu khata'u fi wa la yakun al-muntasir li maqalatihi tilk bi manzilatihi fi hadhihi ad-daraja. Sahih. Celui qui khalif, il n'a pas la même manzila que le shir. Le shir, nous parlons s'il veut le haq. Et c'est un mujtahid. Et le haq ne lui est pas apparu. Il pense que ce qu'il dit, c'est le haq. Amma celui que le haq lui est apparu, il doit revenir. Il doit délaisser le khata à la kulli haq. Amma le matbou, voilà. Le matbou, il suit aveuglément, il est à la khata. Le taqlid lui-même, là, il douze. Khassatan, s'il a les moyens de connaître le haq, de rechercher le haq. قال ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله. نعم لأن son but c'est pas نصرة الدين هذا المقلد لا son but c'est son شيخ il a une chose il a forcément raison وينصر هذا القول la preuve كما قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه c'est que si un autre imam un autre sheikh il dit le même qawl ربما il n'applique pas le qawl. On l'a vu أحيانا sheikh Yahya fait une chose il critique un autre il fait la même il se taise. Ça montre que le qawl القصد c'est pas le haq لأن le haq que ce soit sheikh Yahya ou autre c'est le haq le batil que ce soit sheikh Yahya ou autre c'est le batil. هذا الميزان il est important يا جماعة والله كثير من الناس ils sont à هذا الحال ils sont aveuglés. Et il suit un shir, il fait du rouleau, hatta tout ce qu'il dit pense que c'est le haq. Celui qui le contredit, il est à la batil. Qala, bihayt annahu law qalahu ghayruhu min a'immat al-din, lama qabila, wala intasara lah, wala wala man wafaqa, wala aada man khalafa. Si c'est un autre que son shir, il fait la même erreur, il dira rien. Nasiha, il ne la fera pas. Et si son shir, il se trompe, et un autre, il a le haq, Abadan il dira c'est haq, il faut délaisser le qawl de. Même si c'est mon shirk, je délaisse. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Là, mon shirk, il n'est pas ma'asoum. Lakin, ça c'est al-insaf. Ça c'est al-thabat. Ça c'est al-sidq wa al-ikhlas. Tout ça, celui qui va avoir ce motif, il faut qu'il ait ces choses. Sidq wa ikhlas wa insaf wa thabat. Shaja'a. Il n'a pas peur de khalif les gens. Amma, cette époque où on vit, beaucoup de ses qualités, elles sont ضعيفه الا بمن رحمه الله قال رحمه الله عليه وهو مع هذا الظن انه انما انتصر للحق بمنزله متبوعه وليس كذلك فان متبوعه انما كان قصده الانتصار للحق اما للشيخ il peut faire une erreur لكن son but c'est le haq فلهذا la preuve c'est que s'il s'aperçoit qu'il s'est trompé il revient هذا il est ma'jour عند الله ولو s'il se trompe لان son but c'est le haq et ça mujtahid. Il y a des masaïdes, c'est à l'amour. C'est pas clair. Il y a des masaïdes, tu penses que c'est le haq, tu suis. Al-imam, al-mujtahid, il est récompensé. Et la preuve qu'il est sincère, il est véridique, si tu lui montres le haq, il revient. Comme min a'imma, ils sont revenus sur des masaïdes. Il y a mujtahidoun. Ils sont mukhlisoun. Nahsibuhum kadhalik. Il y a une erreur, il revient. Amma wahid, tu lui montres, talaqud. Tout ce qu'on a cité, à la fin, il te dit là, je suis l'ulama, tu suis le hawa. قال وإن أخطأ في اجتهاده وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى الخطأ أما le suiveur son but c'est quoi c'est que tu dis pas son cheikh il se trompe son but c'est quoi c'est que tu dis pas et c'est qu'il pense pas que son cheikh il va perdre une place هذا المتبوع المسكي قال وأما هذا التابع فقد شاف انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه كذلك il pense que en suivant son cheikh même s'il se trompe ça va l'élever أبدا ce qui élève c'est le haq ce qui élève c'est التوبة ce qui élève c'est التواضع قال وهذه دسيسة الدسيسة c'est je peux traduire c'est un virus c'est une maladie أي ست فكر والعياذ بالله tu suis un cheikh dans tout تعصب هوى ساس دسيسة سو المرضي قال وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق ما ففهم هذا فإنه فهم عظيم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أو إلى صراط المستقيم نعم افهم هذا نصيحة الآن تجي افهم كمخو هذا أن الست مرضي تقدح في قصد أن في جمال على تنسيون دو سوشبيب في الحقيقة يقول با أو يقول با نعم يسويه بالحق في الحقيقة son but c'était pas le haq في الحقيقة il veut que son cheikh il a raison ولو c'est un خطأ ولو يخالف إجماع ولو يخالف دليل lui c'est pas son problème lui le but c'est il suit son cheikh et il a toujours raison صلى الله عليه وسلم ده سي ساس المالادي انتبهوا لهذا نحن ننصح هؤلاء et ننصح كذلك أنفسنا والله on est pas à l'abri ça va très vite ça nous montre دائما on travaille à l'ikhlas دائماً. لا تظن خلاص تعرف يعني فو تبرزرفي أبداً والله أقوى منك أعلم منك ils ont plus d'ijtihad منك ils se sont fait du mal dans des masaïl à cause de ce point هذا c'est du din يا جماعة الآن نحن parle ces masaïl الآن on défend pas un groupe on défend pas une entreprise on défend pas là أبداً c'est du din دائماً التواضع كذلك c'est مهم la modestie ne pense pas la foule à ni s'égarer خلاص أنت تعطي على بغي الإخلاص et le meilleur moyen de corriger ce إخلاص c'est بالعلم خاصة العقيدة والتوحيد la lecture de سيرة السلف tu connais ta place كذلك إن شاء الله tu seras على خير النصيحة بهذا النصيحة أن نجتهد في الإخلاص نجتهد كذلك في الثبات نثبت على حق وني على حق ولله الحمد فالثبات لا تغتر فلان دي فلان لا أبدا Étudie ces masaïl bi-ikhlas et si t'es à la haq, accroche-toi à ce haq. Si on te montre bi-dalil, t'es sur l'erreur, délaisse l'erreur. Kadalik al-sabr. Nansah al-ikhwan kadalik bi-sabr. Sabr ala al-adha. Hada al-manhaj. Hada al-din. Labud min al-sabr. Al-Nabi sallam, il a été accusé avant toi. Il a été accusé de majnoun, de kadhab, de sahir. Sahaba, ils ont été accusés kadalik. Ils ont été combattus. Et ils ont patienté. حتى جاء نصر الله عز وجل كذلك ننصح بالاجتهاد في طلب العلم et que ces genres de masaïl ça prend pas tout ton temps là tu donnes le haq comme on l'a fait quelques durous une demi-heure dans la journée une heure tafham et تجتهد في العلم تجتهد في اللغة العربية تجتهد في علم العقيدة في التوحيد في الفقه il y a pas que ça ça il faut le montrer نصيحة للمسلمين لكن il y a des autres choses كذلك الاجتهاد في طلب العلم كذلك celui qui est قوي في العلم il comprendra ces choses comprendra les règles y a des règles muhimma qu'on a démontré. Certains ils les ont khalif. Tu comprendras pourquoi Fulan il s'est trompé. كذلك النصيحة بالأخلاق الحسنة الخلق الطيب طيب c'est مهم un bon comportement. Et تعلمون أن par rapport à cette fitna بعض الناس ils sont في شك وريب ils ont pas tout compris. Si il veut le haq ya akhi urfaq bih al rifq c'est طيب. Si il veut le haq son but c'est le haq et khasatan tu vois pas du char min inshallah montre lui le rifq. Montre-lui ou donne-lui des documents ou des autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yujannibana al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.